إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc là on continue le cours 26 dans نواقض الإسلام on est arrivé au encore on est encore dans le naqid al-sabi'. On a terminé l'explication. Toutefois, il y a des questions et réponses qui sont bénéfiques et on va en lire quelques-unes inchallah. Peut-être que ça va répondre à certaines questions et en même temps ça va clarifier le sujet. Le cheikh il dit ou bien on a posé la question سؤال إذا وجدت سحرا هل أحله بالحرق أو التمزيق الجواب إذا وجدت سحرا فأتلفه إما بإحراقه بالنار أو تمزيقه المهم أنك لا تبقيه. On a posé la question au chef. Si je trouve de la quelque chose de magie ou de sorcellerie, comme par exemple quelque chose dans lequel on a mis un sort ou quelque chose comme ça ou des nœuds sur une corde ou des trucs de sorcellerie, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on le brûle ou est-ce qu'on le déchire ou qu'est-ce qu'on fait? Eh ben le cheikh il répond, il dit, si tu trouves quelque chose de sorcellerie ou quoi, l'important c'est que tu t'en débarrasses, tu le détruis, soit par le feu ou soit en le déchirant. L'important c'est que tu le laisses pas en place, tu le gardes, tu le laisses pas, tu le détruis. Une autre question, يحدث أو يحدث في بعض البلاد أن يقوم شخص في جمع من الناس يعمل استعراضات مثيرة كأن يدخل سيفا أو سكينا في بطنه دون أن يتأثر وغير ذلك من الحركات التي تصدق في حياة الناس العادية فما حكم الشرع في مثل هذه الأعمال لشيخ الذكى. Des fois, on voit dans certains pays des gens qui réunissent des gens, puis ils font des sortes de spectacles devant les personnes, qui sont, c'est des spectacles où quelqu'un se rentre un couteau ou une tige d'épée ou bien quelque chose, il rentre dans son ventre et il le sort, il rentre d'un côté, il sort l'autre côté, puis ça donne l'impression que il y a rien qui lui arrive. Donc après, les gens voient ça, puis ils croient que c'est vrai par la suite, et ils sont affectés par ces choses-là. Donc, qu'est-ce que c'est le verdict de la charia à ce sujet-là? Et juste avant de lire la réponse, il y a des gens parmi les soufis qui font ce genre de trucs, et ils s'imaginent que c'est des karamates, ils s'imaginent que c'est des genres de prodiges ou de miracles, et que c'est la preuve que leur taïqa est vraie. Donc ils font tous ces trucs là pour montrer aux gens, regardez, on est capable de faire ça, c'est la preuve que Allah il nous aide et qu'il est avec nous et que notre tariqa est vrai, alors qu'en réalité c'est les diables qui les aident à faire ça et non pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il répond à ce sujet là et il dit هذا مشعوذ وكذاب وعمله هذا من السحر التخييلي وهو من جنس ما ذكره الله من عن سحرة فرعون في قوله فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وفي قوله تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وهؤلاء يستعملون ما يسمى بالقمرة وهي التخيل للناس خلاف الحقيقة أو يعملون شيئا من الحيل الخفية التي تظهر للناس كأنها حقيقة وهي كذب بأن يظهر للناس أنه يطعن نفسه أو أنه يقتل شخصا ثم يرده كما كان وفي واقع الأمر لم يحصل شيء من ذلك ويظهر للناس أنه يدخل النار ولا تضره وهو لم يدخله أو لم يدخلها وإنما عمل حيلة خفية ظنها الناس حقيقة ولا يجوز السماح لهؤلاء بمزاولة هذا الباطل والتدجيل على المسلمين بحيلهم الباطلة لأن هذا يؤثر على العوام وكان عند بعض الأمراء من بني أمية رجل يلعب بمثل هذا فذبح أناسا وأبان رأسه ثم رده كما كان فعجب الحاضرون فجاء جندب الخير الأزدي رضي الله عنه فقتله وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه ولا يجوز للمسلم أن يحضر هذا الدجل والشعوذة أو يصدق بها بل يجب إنكار ذلك ويجب على ولاة المسلمين منعه والتنكير بمن يفعله ولو سمي لعبا وفنا فالأسماء لا تهير الحقائق ولا تبيح الحرام ومثله الذي يظهر للناس أنه يجذب السيارة بشعره أو يعني ينام تحت كفارات السيارة وهي تمشي أو غير ذلك من أنواع التدجيل والتخييل والسحر donc le chef il explique que de faire ces choses là c'est des formes de charlatanisme des mensonges et que ça fait partie de la sorcellerie qui fait partie des illusions et c'est que qu'est-ce que Allah a mentionné au sujet des sorciers de Pharaon et yani, il mentionne les versets qu'il a mentionnés tout à l'heure dans l'explication le verset 66 dans Surat Taha et le verset 11 dans Surat Al-A'raf et voilà que leurs cordes et leurs bâtons les gens avaient l'impression que ça bougeait à cause de leur sorcellerie et lorsqu'ils ont lancé leurs bâtons et leurs cordes ils ont ensorcelé les yeux des gens et donc ces gens-là ils utilisent ce qu'on appelle Al-Qamra c'est-à-dire de faire donner l'illusion aux gens qu'ils voient le contraire de la réalité ou autre que la réalité et yani, ou bien qu'est-ce qu'ils font aussi parfois c'est qu'ils utilisent des trucs qui sont très subtils hein, que les gens ne peuvent pas déceler puis ils trompent les gens avec ces choses-là et donc parfois qu'est-ce qu'ils font ils font apparaître ils font donner l'impression qu'ils sont en train de se percer le corps avec une épée ou une tige ou avec quelque chose et yani, qu'ils sont en train de se faire mal ou bien de tuer quelqu'un ou de couper la tête de quelqu'un puis ils le ramènent à la vie et en réalité ils n'ont rien fait de ça, c'est juste un truc qu'ils ont utilisé pour faire croire aux gens que c'est ce qu'ils faisaient et donc des fois parfois ils donnent l'impression qu'ils rentrent dans le feu puis que ça lui fait pas rien, que ça le brûle pas alors qu'en réalité c'est pas le cas ou des fois ils peuvent utiliser l'aide des djinns aussi pour faire des choses comme ça puis en réalité, yani, ils donnent l'impression que c'est eux qui font ça, alors que c'est le djinn qui est en eux, qui rentre en eux, qui leur permet de faire ces choses-là. Et donc, c'est des exemples de sorcellerie que les gens utilisent pour tromper les gens. Et le cheikh, il dit que c'est pas permis pour les musulmans d'accepter ce genre de pratique et ce genre de choses-là. Et c'est des choses qui affectent les musulmans ordinaires qui ne connaissent pas toujours l'islam. Quand ils voient ça, ils vont croire en ces choses-là et ça peut avoir un mauvais effet sur eux et sur leur croyance. Et il donne l'exemple de tout à l'heure qu'on a donné à propos de Jundub ibn Ka'b qui avait tué le sorcier puis qui lui avait dit par la suite essaie de te refaire revivre toi-même hein, si t'es véridique. Et donc le chef il a donné cet exemple-là. Puis il montre que le musulman n'a pas le droit non plus d'assister à ce genre de truc-là, et que ça fait partie de Sha'wada. Il n'a pas le droit non plus de croire en ce genre de choses-là. Et il doit dénoncer ces choses-là et les rejeter. Et il dit que les dirigeants musulmans doivent interdire, c'est-à-dire les autorités doivent interdire ces choses-là et punir ceux qui les pratiquent. Même si on l'appelle des jeux ou des tours ou des trucs artistiques ou autres, tout ça c'est interdit. Et le fait qu'on donne à ces choses-là d'autres noms, ça ne change pas la réalité de ces choses-là. Et ça ne rend pas halal qu'est-ce qui est haram. Donc il dit la même chose pour ceux qui tirent les voitures avec des cheveux ou qui laissent passer des voitures sur eux, hein, ils se couchent par terre, les voitures passent sur eux puis ça leur fait rien. Il dit tout ça fait partie des formes de sihr et d'illusion et de choses de ce genre, donc c'est pas permis. Après il y a une autre question. Soual. الذين يأتون إلى الألعاب البهلوانية وغيرها التي تعتمد على السحر يكفرون وهم لا هل الذين يأتون إلى الألعاب البهلوانية وغيرها التي تعتمد على السحر يكفرون وهم لم يرضوا بها؟ Donc la question c'est, est-ce que ceux qui vont au truc des jeux d'acrobatie ou des trucs comme on a dit là tout à l'heure, les gens qui vont à des spectacles de magie, des trucs comme ça, qui se basent sur la sorcellerie, est-ce que ces gens-là ont rejeté la foi, même s'ils n'ont pas été satisfaits ou n'ont pas agréé ces choses-là, ils ne les ont pas acceptées? Le cheikh il répond, il dit « إِذَا لَمْ يَرْضَوْ بِهَا فَقَدْ فَعَلُوا مُحَرَّمًا يَأْسَمُونَ عَلَيْهِ أَمَّا إِذَا رَضَوْا بِهِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهَا سِحْرٌ فَإِنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِهَا. Le cheikh il répond et il dit, s'ils n'ont pas été satisfaits de ces choses-là, hein, ils n'ont pas agréé, ils ont fait quelque chose, dans ce cas-là ils ont fait quelque chose de haram, et c'est sûr qu'ils ont fait un péché. Toutefois, s'ils ont été satisfaits de ces choses-là, alors qu'ils savent que c'est de la sorcellerie, alors là dans ce cas-là, ils deviennent forts à cause de ça. Hein. S'ils savent que c'est de la sorcellerie, puis qu'ils sont satisfaits de ça, alors dans ce cas-là, ils sont forts. Le chef, on lui a posé une autre question. Et ça, c'est une question qui est importante, en fait. Une femme qui dit, قبل أن أهتدي وأداوم على الصلوات في أوقاتها وقراءة القرآن الكريم ذهبت إلى إحدى الساحرات وطلبت مني أن أخنق دجاجة لكي تعمل لي حجابا تربطني بزوجي. لأنه كان يوجد دائما مشكلات بيني وبينه وقد خنقت الدجاجة فعلا بيدي فهل علي في فعل هذا إثم وماذا أفعل حتى أتخلص من هذا الخوف الذي يراودني والقلق. La question c'est que la femme, une femme qui demande au cheikh, elle dit, avant que je sois guidée et que je commence à pratiquer les prières régulièrement dans leur temps, et avant de commencer à réciter le Coran, je suis allé voir une sorcière et je lui ai demandé quelque chose, qu'elle fasse quelque chose pour moi, par rapport à son mari. Et cette sorcière lui a demandé d'étrangler ou d'égorger un poulet. Et donc c'est ce qu'elle a fait, hein, elle a égorgé un poulet, soi-disant pour que ça unit elle et son mari, ça mette l'union entre elle et son mari. Et parce qu'elle dit qu'il y avait toujours des problèmes entre moi et mon mari. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a étranglé le poulet, puis elle l'a étranglé avec sa main, puis est-ce que j'ai un péché pour avoir fait ça? Elle demande, puis elle dit, qu'est-ce que je fais maintenant pour me débarrasser de cette crainte qui est toujours avec moi? Et elle ressent toutes sortes de dépressions, il y en a à cause de ça, puis des craintes. Elle se demande comment faire pour se débarrasser de ça. Donc le chef il répond, il dit, أولاً الذهاب إلى الساحرات حرام شديد التحريم. لأن السحر كفر وإضرار بعباد الله عز وجل فالذهاب إليهم جريمة كبرى وما ذكرتي أنك فنقتي الدجاجة جريمة أخرى، لأن هذه لأن هذا فيه تعذيب للحيوان وقتل للحيوان بغير حق، وتقرب إلى غير الله وتقرب إلى غير الله بهذا العمل فيكون شركا. ولكن ما دامت ما دمت قد ما دمت قد تبت إلى الله سبحانه وتعالى توبة صحيحة، فما سبق منك يغفره الله سبحانه وتعالى، ولا تعودي إليه في المستقبل، والله تعالى يغفر لمن تاب. ولا يجوز للمسلمين أن يتركوا السحرة يزاولون سحرهم بين المسلمين، بل يجب الإنكار عليهم، ويجب على ولاة أمور المسلمين قتلهم وإراحة المسلمين من شرهم. Le chef il répond et il dit premièrement, il faut savoir que c'est interdit d'aller voir les sorciers et les sorcières. Ça c'est premièrement, et c'est un haram qui est très très grave. C'est quelque chose de haram et que c'est une forme de kufr, parce que la sorcellerie c'est kufr. Et yani c'est de faire du tort aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que d'aller voir un sorcier ou une sorcière, c'est un crime majeur, un grand crime. Et il dit à la femme que ce qu'elle a mentionné, il dit ce que tu mentionnes du fait que tu as étranglé un poulet, il dit ça c'est un autre crime, parce que tu as torturé un animal, et ça c'est haram dans l'islam. Et même on voit que, par exemple, dans les trucs de sorcellerie en Haïti, qu'est-ce qu'ils font les vaudous? Dans les vaudouisants, quand ils veulent tuer le poulet, ils le prennent puis ils prennent sa tête, puis ils font tourner son corps comme ça, sur lui-même, puis ils lui arrachent la tête. Donc ça c'est une forme de torture envers les animaux, et ça en soi-même c'est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Wa idha qataltum fa'ahsinu al-qitla, wa idha zabahtum fa'ahsinu al-zibha, wa liyrih ahadakum zabihatah wal وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فمذكر que quand on tue dans l'islam il faut tuer d'une façon qui est bonne et pas pour faire souffrir. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que il faut aiguiser la lame, hein, bien aiguiser, puis de sacrifier l'animal d'une façon pour que l'animal ne ressente pas de souffrance lorsqu'on le fait. Et donc c'est pour dire que ces gens-là, ils font un tort à l'animal en plus du fait qu'ils la torturent en l'étranglant, et en plus de ça, ils le tuent, ils le sacrifient pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une façon de se rapprocher à autre que Allah, et donc c'est shirk en soi. Et donc tout ça c'est des péchés un par-dessus l'autre que cette femme a accumulé. Et le chef, il répond par la suite, il dit à la femme, étant donné que tu t'es repenti, et que tu t'es repenti d'une repentance sincère, Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner pour tout ce que tu as fait auparavant, mais ne recommence pas, ne retourne pas à ces choses-là dans l'avenir. Allah pardonne à toute personne qui se repentit. Hein, et il dit qu'il n'est pas permis pour les musulmans de laisser les sorciers pratiquaient leur sorcellerie parmi les musulmans, et qu'il est obligatoire de dénoncer et de rejeter ce genre de choses-là, et que les dirigeants musulmans doivent les faire exécuter, puis purifier ou amener le repos aux musulmans dans leur société, pour qu'ils soient épargnés de qu'est-ce qu'ils ont de mal pour les musulmans. سؤال ما رأيكم بفتح عيادات متخصصة للقراءة؟ جواب ما كان هذا من عمل السلف أنهم يفتحون دورا أو يفتحون محلات للقراءة للقراءة، والتوسع في هذا يحدث شرا ويدخل فيه من لا يحسن، لأن الناس يجرون وراء الطمع ويريدون أن يجلبوا الناس إليهم ولو بعمل أشياء محرمة. Le chef il répond, il dit quelle est votre opinion au sujet de ceux qui ouvrent des endroits comme des trucs de clinique pour qui sont disons spécialisés dans la ruqya et dans la lecture des Coran pour les gens qui sont soi-disant ensorcelés. Et le cheikh il dit que les salafs ils faisaient pas ça, ils ouvraient pas des cliniques ou des endroits, des commerces ou des magasins pour que réciter le Coran sous les gens. Il dit ça amène beaucoup de gens, ça ouvre la porte à beaucoup de mal, hein, ça ouvre la porte à beaucoup de mal. Et il dit que ça peut même amener qu'il y a des gens qui savent pas comme il faut comment faire ces choses-là comme il faut. Puis il y a des gens qui courent derrière l'argent seulement, juste pour faire de l'argent. Et donc ils vont essayer d'attirer le monde à venir vers eux, même en faisant des choses haram. Et donc parfois c'est ça ce qui arrive, c'est que c'est des sorciers qui s'improvisent comme étant des gens qui font le ruqya, et ils utilisent toutes sortes de formes de sikhir, puis ça devient des choses qui sont répandues par la suite. Donc c'est très dangereux en fait à la fin. Et donc on a terminé donc les questions sur rapport avec le sikhir dans ce chapitre-là, à propos de Naqid al-Sabi', le septième Naqid, parmi les points de ce qui annule l'islam d'une personne. Maintenant, on va commencer le huitième Naqid al-Thamin, le huitième parmi les choses qui annulent l'islam d'une personne. Et le Cheikh, il mentionne ce point, c'est قال رحمه الله, قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله, الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. On a, le Cheikh il explique que le Cheikh Mohammed bin Wahhab il a mentionné comme huitième point parmi ce qui annule l'islam de l'individu le fait de supporter les mushrikines contre les musulmans et de les aider contre les musulmans. Et ça c'est le la preuve de ça, c'est le verset 51 dans Surat Al-Ma'idah. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Quiconque les prend pour alliés parmi vous, alors il est un des leurs. Hein, et Allah ne guide pas les peuples injustes. Donc on va expliquer maintenant ce point-là avec les paroles du Cheikh Saleh Al-Fawzan pour clarifier qu'est-ce qu'il y a rapport avec ce sujet. الشيخ الذي قال الشيخ رحمه الله أخذ نوعا واحدا من أنواع موالاة الكفار وهو مظاهرة المظاهرة, وإلا فالموالاة تشمل المحبة بالقلب ومظاهرة المشركين على المسلمين والثناء والمدح للكفار إلى غير ذلك, لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين معاداة الكفار وبغضهم والبراءة منهم, وهذا ما يسمى في الإسلام بباب الولاء والبراء. Pardon. Donc le cheikh explique que le cheikh Mohammed Abdul Wahhab a choisi une catégorie parmi les catégories de ce qu'on appelle Mouwalat al-Kuffar, le fait de prendre pour allier les kuffars. Parce que sinon, il y a plusieurs catégories. Là, il a mentionné une d'entre les catégories de mu'alat, c'est-à-dire al-mudahara, c'est-à-dire de donner le support aux mushrikines contre les musulmans. Et yani, c'est une catégorie parce qu'il y en a beaucoup d'autres catégories. Le fait d'aimer les kuffars avec le cœur, hein, pour leur mécréance, ça c'est une forme de mu'alat. Hein. Le fait de les aider contre, d'aider les mouchriquins contre les musulmans. Ça, c'est une forme de mu'alat. As-sana, de les glorifier et de dire du bien d'eux, hein, c'est une forme de mu'alat. Et il y a beaucoup de formes de mu'alat. D'accord? Yarhamukallah. Mais bien entendu, il y a différentes catégories de mu'alat. Il y en a qui sont kufres, qui font sortir de l'islam. Il y en a qui sont pas kufres, qui font pas sortir de l'islam, mais qui sont simplement haram. Et il y a des choses qui ont rapport avec le fait qu'on ait des interactions avec le kuffar qui ne font pas du tout partie de al-mu'alat et qui sont permises. Hein. Et ça, il faut distinguer entre ces catégories-là pour pas tomber dans des extrémismes. Hein. Ni dans un côté de l'extrémisme, ceux qui exagèrent et qui veulent dire qu'on ne peut pas avoir aucun rapport avec les kuffar et les mushrikins, et l'autre extrême de ceux qui disent non, on est tous des frères, puis il n'y a pas de différence entre le musulman et le kafir, etc. C'est l'autre extrême. On a parlé de ça quand on a parlé du troisième naqid. Ok, mais le cheikh dans ce point-là, il répète certains points encore une fois. Puis on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Le cheikh il dit donc que ça fait partie de du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans de s'opposer aux kuffars et de les détester, hein, et de se désavouer d'eux à cause de leur mécréance. Hein, et il a appelé ça s'appelle al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara, c'est le chapitre qu'on appelle dans l'islam al-wala wal-bara, c'est-à-dire al-wala d'aimer, de se rapprocher, de s'allier, et al-bara c'est de détester, de se désavouer, de se séparer et de s'éloigner. Ça c'est ce chapitre-là. Et c'est très important parce que ça a un rapport avec l'islam, avec les fondements de l'islam, avec les fondements du tawhid. Ok? Comme on a déjà parlé de ça dans le troisième point. فقوله مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. المعاونة هي المظاهرة، والظاهر أنه من عطف التفسير، والمظاهرة معناها المعاونة. Donc le chef explique que المظاهرة ça veut dire l'aide, de supporter, de venir en aide. OK, il dit ثم استدل رحمه الله بالآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم دليل على كفر من فعل ذلك لأن ظاهر قوله تعالى فإنه منهم أي فهو مثلهم في الكفر وهذا وجه الاستدلال أو وجه استدلال الشيخ رحمه الله. الشيخ الديبي الشيخ a mentionné comme preuve le verset 51 dans sourate Al-Ma'ida: Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, ils sont certes alliés les uns des autres, et quiconque d'entre vous les prend pour alliés, alors il est un des leurs, et Allah ne guide pas certes les peuples injustes, le peuple injuste. فَقَوْلُهُ donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit et quiconque les prend pour alliés parmi vous et un des leurs, il y a la preuve que c'est kufr, que celui qui fait ça, il a fait quelque chose qui est kufr, et en apparence donc, en apparence, on voit que le sens apparent du verset « فَإِنَّهُ مِنْهُمْ » c'est-à-dire « il est un des leurs » implique qu'il est comme eux dans le kufr. Et ça c'est la preuve que le cheikh a voulu, c'est ça que le cheikh a mentionné comme preuve à ce sujet-là. Ensuite il dit وقد ذكرنا أن الموالاة أقسام الموالاة أقسام منها المحبة في القلوب ولو لم يظاهرهم ومنها المظاهرة والمعاونة والمناصرة ولو لم يحبهم ومنها مدحهم ومدح دينهم والثناء عليهم كل هذا يدخل في الموالاة ومن يتولهم فإنه ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم يتولهم بالمحبة أو يتولهم بالمناصرة والمعاونة على المسلمين أو يتولهم بالثناء عليهم ومدح ما هم عليه فالآية عامة. أوكي. Le cheikh il dit que donc comme on a mentionné, il y a plusieurs catégories de mualat. Il y en a qui sont comme par exemple les catégories comme le fait de les aimer avec le cœur. Même si tu leur viens pas en aide, le fait que tu les aimes avec le cœur, ça c'est suffisant en soi pour être une forme de mualat. Et un autre exemple, c'est le fait de leur venir en aide et de les aider et de les supporter. Même si tu les aimes pas, hein. Et également le fait de les glorifier à cause de leur religion et de leur faire des éloges, hein, de leur faire des éloges par rapport à leur religion, par rapport à leur religion. Ou de les aimer, quand on a dit de les aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire de les aimer par rapport à leur croyance, par rapport à leur religion. C'est-à-dire tu les aimes à cause de leur croyance. tu les aimes par rapport à leur kufr, tu les aimes par rapport à leur shirk, tu les aimes parce qu'ils sont kuffars, parce qu'ils sont mushrikin. Ça, ça te fait sortir de l'islam. Hein. Même si tu les as pas supportés, hein, et de les glorifier à cause de leur mécréance, de leur shirk, ça aussi c'est une forme de mu'alat qui te fait sortir de l'islam. Donc, tout ça, ça rentre dans le verset « وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ » Donc, quiconque il les aime et il leur vient en aide contre les musulmans et donc qu'il leur fait des éloges et qu'il les glorifie à cause de leur mécréance et tout ça, donc quelqu'un rentre dans, quelqu'un qui fait ça, il rentre dans ce verset-là. وَمُظَاهَرَةُ الْكُفَّارِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَحْتَهَا أَقْسَامٍ. Le fait de venir en aide aux kuffars contre les musulmans, il y a différentes catégories. Et chaque catégorie, elle a son verdict dans la charia de l'islam. C'est pas tout le monde qui sont dans le même paquet ou dans le même panier. Il y a des cas différents, il y a des verdicts différents dans la charia selon chaque catégorie. القسم الأول مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال فهذا القسم لا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة فمن ظاهرهم وأعانهم وساعدهم على المسلمين مع محبة دينهم وما هم عليه والرضا عنهم وهو مختار غير مكره فإنه يكون كفرا أكبر مخرج من الملة على ظاهر قوله تعالى فإنه منهم. La première catégorie, c'est ceux qui supportent et aident les mushrikines avec son amour pour eux par rapport à leur mécréance et leur shirk et leur égarement. C'est-à-dire, ils supportent les kuffars et les mushrikines et ils aiment leur mécréance et leur égarement et leur shirk. Alors, cette catégorie-là, il n'y a aucun doute que ce sont des kuffars et que leur kuffre est un kuffre majeur qui les fait sortir de la religion musulmane. Et donc, quiconque leur vient en aide, hein, il les supporte et les aide contre les musulmans, en plus de les aimer pour leur religion, hein, en plus d'aimer leur religion, hein, alors, et qu'il aime ce qu'ils suivent de mécréance et qu'il est satisfait de cette mécréance et de ce shirk, alors, alors qu'il n'est pas contraint, hein, il fait ça de son propre choix, hein, il n'est pas contraint de les aider, alors dans ce cas-là, il est mécréant et sa mécréance est majeure et il a sorti de la religion. Et ça, c'est en apparence, le sens apparent de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, et celui qui fait ça, il est un des leurs. Okay. القسم الثاني أن يعاونهم على المسلمين لا مختارا ولا يشبهم بل يكرهونه أن يعاونهم على المسلمين لا مختارا وهو لا يشبهم بل يكرهونه يكرهونه على ذلك بسبب إقامته بينهم فهذا عليه وعيد شديد يخشى عليه من الكفر المخرج من الملة وذلك أن المشركين لما أكرهوا جماعة من المسلمين يوم بدر على الخروج معهم لقتال المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم ذلك حيث أنهم تركوا الهجرة وبقوا مع المشركين وعرضوا أنفسهم إلى ما وقعوا فيه من إكراههم على الخروج مع أنهم يبغضون دين الكفار ويحبون دين المسلمين ولكن بقوا في مكة شحا في بأموالهم وبلدهم وأولادهم ولا لا عن محبة لا عن محبة للكفار أو محبة لدينهم فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم يعني مع أي فريق كنتم فهذا استنكار يعني لماذا كنتم مع المشركين وأنتم مسلمون قالوا كنا مستضعفين في الأرض ما لنا حيلة وهم الذين أجبرونا وأكرهونا على ذلك قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها لماذا تصبرون على البقاء مع الكفار وأنتم مسلمون وعرضتم أنفسكم لما وقعتم فيه من هذا في هذا المشهد المخيف. Donc ici le cheikh il mentionne que la deuxième catégorie du fait de venir en aide aux kuffars contre les musulmans, c'est la catégorie des gens qui viennent en aide aux kuffars contre les musulmans, pas de son propre choix. Hein, il n'a pas choisi. Il ne veut pas faire ça. Même il n'aime pas les koufars et les mouchriquins et leur religion. Mais les koufars l'ont contraint, l'ont forcé à aider les koufars contre les musulmans. Hein, il est contraint à faire ça. Du fait qu'il s'est établi parmi eux. Il est allé habiter chez eux. Donc, ils lui ont dit, écoute, tu dois venir maintenant, tu es obligé, tu dois venir nous aider contre les musulmans. Hein, alaykoum salam wa rahmatullah. Il dit, il veut pas, il est forcé. Et il n'aime pas le kufr, il n'aime pas le shirk, il n'aime pas les mouchriquins. Mais il n'a pas le choix, il est forcé par les mouchriquins. Parce qu'il s'est établi parmi eux. Donc celui-là, le cheikh il dit, celui-là il est sous une menace très dure. Hein, il est sous une menace sévère. Et on craint pour lui qu'il soit dans le kufr qui fait sortir de l'islam. On craint pour lui qu'il soit dans ça. Il est sous une menace très sévère. Et l'explication de ça, c'est que il y avait un groupe des musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait été contraint par le mouchriquine de participer à la bataille de Badr contre les musulmans. Ok? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mouchriquines ont dit à un groupe de musulmans qui était à Mecca, qui n'avait pas fait le hijra, venez avec nous pour combattre les musulmans. Et ils étaient contraints, ils n'avaient pas le choix. Hein? Donc, yani, ils sont sortis avec les mouchriquins pour combattre les musulmans. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a réprimandé ces musulmans-là du fait qu'ils avaient abandonné la hijra. Ils avaient abandonné la hijra. Et ils étaient restés avec les mouchriquins et donc ils se sont, disons, mis dans l'embarras et dans la situation où ils ont été contraints à sortir avec les mouchriquins contre les musulmans alors qu'ils détestent la religion des koufars et qu'ils aiment les musulmans. Mais étant donné qu'ils sont restés à Mecca parce qu'ils étaient avares pour leurs biens et pour leur pays et pour leurs enfants, hein, comme c'est rapporté par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Abbas, donc à cause de ça, pas parce qu'ils aimaient la religion des koufars, pas parce qu'ils aimaient les koufars, mais parce qu'ils aimaient leurs biens et leur maison et leurs enfants, hein, ils sont restés à Mecca. À cause de ça, Allah a descendu le verset dans Surat An-Nisa, le verset 97 à 99 dans Al-Qur'an, à ce sujet-là, c'est-à-dire au sujet des gens qui avaient abandonné la hijra. Et le verset, ça dit que ceux qui meurent, ceux dont les anges viennent prendre leurs âmes alors qu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes en abandonnant la hijra, les anges vont leur demander où en étiez-vous? Fima kuntum. C'est-à-dire, avec quel groupe étiez-vous? Hein, et ça, c'est une réprimande que Allah subhanahu wa ta'ala leur fait. Pourquoi étiez-vous avec les mouchriquins alors que vous êtes musulmans? Eh bien, ils répondent, nous étions faibles sur la terre. Hein, on n'avait pas de moyens, on n'était pas capable de partir. Hein, ça, c'était leur excuse. Et ils disent, on nous a forcés, ils nous ont contraints à sortir avec eux. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, qalou, les anges ont répondu, n'est-ce pas que la terre était assez vaste pour que vous puissiez faire la hijra et partir ailleurs pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Et pour, le cheikh il explique, il dit, pourquoi avez-vous enduré le fait de rester avec les koufars alors que vous êtes musulmans? Et vous vous êtes mis vous-même dans l'embarras. Hein? Pourquoi vous vous êtes mis dans cette situation épeurante, yani? Le cheikh il continue, il mentionne le verset, فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Hein? Et donc il dit, et ceux-là, leur destination sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Et ça c'est une menace très sévère pour eux. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Donc il mentionne la suite du verset, excepté ceux qui étaient réellement faibles et qui, parmi les hommes, les femmes et les enfants, et qui ne trouvaient pas de moyens et qui ne pouvaient pas se diriger, hein, sur, yani, pour trouver un chemin pour aller faire la hijra, alors ceux-là, Allah va leur pardonner, et Allah est certes compatissant et pardonneur. Ça c'est le verset 97 à 99 dans Sourate Nisa. Le cheikh dit, شديد إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فهؤلاء معذورون في بقائهم لأنهم لا يستطيعون الهجرة والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Donc le cheikh dit, quiconque a abandonné la hijra alors qu'il est capable de la faire et qu'il n'a pas fait la hijra, n'a pas quitté le pays des kuffars pour aller vivre avec les musulmans et qui est resté avec les mushrikins, hein, et que les mushrikins l'ont forcé à sortir pour combattre les musulmans, alors il est sous une sévère menace, excepté ceux parmi les musulmans qui sont vraiment faibles, parmi les hommes, les femmes et les enfants. Alors ceux-là sont excusés du fait qu'ils restent parmi les mushrikins et les kuffars, parce qu'ils ne sont pas capables de faire la hijra. Et Allah, Jalla wa Ala, il ne met pas sur une âme une charge qui est plus lourde que ce qu'elle peut porter. Hein? Donc ça c'est l'explication à propos de cette deuxième catégorie-là. Al-Qismu Thalith, la troisième catégorie. Man yu'in al-kuffar ala al-muslimin wa huwa mukhtar ghayr mukrah. مع بغضه لدين الكفار وعدم الرضا عنهم فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب ويخشى عليه من الكفر. الشيخ يدنا troisième catégorie, c'est la catégorie de celui qui aide les kuffars contre les musulmans et il le fait par son propre choix sans être contraint. Toutefois il déteste la religion des kuffars et il n'est pas satisfait de leur religion. Celui-là, il n'y a pas de doute qu'il fait un grand péché parmi les grands péchés, et on craint qu'il fasse quelque chose qui est kufr. Mais ils ne sont pas de l'islam. D'accord? Cette catégorie-là, ils aident les mouchriquins et les kuffars contre les musulmans, et il le fait de son propre choix, sans être contraint, tout en ayant la haine pour la religion des kuffars et pour leur kufr et leur shirk et leur égarement, sans être satisfait de ce qu'ils font, hein, de ce qu'ils font comme mécréance, alors celui-là, il n'y a pas de doute qu'il fait un grand péché, mais ils ne sont pas de l'islam à cause de ça, mais on craint qu'il fasse un kufr. C'est dangereux pour lui, c'est ça que ça veut dire. Al-Qism al-Rabi'a. من يعين الكفار على الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين فهذا حرام لا يجوز لأنه نقض لعهد المسلمين فالكفار المعاهدون لا يجوز لجميع المسلمين قتالهم وفاء بالعهد الذي بينهم وبين المسلمين والذي يعين من قتلهم من الكفار فهذا يكون نقضا لعهد المسلمين ويكون غبرا بذمة المسلمين قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة أخرجه البخاري وإذا كان الله عز وجل قد نهى المسلمين عن مناصرة المسلمين على الكفار إذا كان للكفار عهد عند المسلمين فكيف بمن ظاهر الكفار على نقض عهد المسلمين قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق فإذا استنصر بنا مسلمون على كفار يجب علينا نصرة المسلمين على الكفار إلا في حالة واحدة إذا كان لهؤلاء الكفار عهد عند المسلمين فلا يجوز لنا أن نناصر المسلمين عليهم فكيف نناصر الكفار على حلفاء المسلمين فهذا أمر لا يجوز وكل هذا من أجل الوفاء بالعهد. Le Cheikh explique, il dit, comme quatrième catégorie, celui qui aide les kuffars, les musulmans qui aident les kuffars contre des kuffars qui ont une entente de paix avec les musulmans. Ça c'est haram, c'est pas permis, parce que ça représente une forme de, c'est comme si on a brisé notre entente avec les musulmans si on fait ça. Ou c'est le fait. C'est comme si quelqu'un a détruit son pacte, son entente, c'est comme si quelqu'un, quand il fait ça, il détruit l'entente des musulmans. Il y a un terme pour ça. Comme si quelqu'un a brisé ou... Pardon ? Brisé, oui. C'est comme s'il a brisé le pacte que les musulmans ont pris. Oui, il a rompu. C'est ça. Rompu. C'est comme s'ils ont rompu le pacte des musulmans. Hein? Donc ça, c'est une forme de trahison. Donc si il y a des koufars qui veulent combattre d'autres koufars, et que c'est les koufars, les premiers koufars, on va dire qu'il y a un groupe de koufars X, ok, qui veulent combattre un autre groupe de koufars Y. Maintenant, le groupe Y, il a une entente de paix avec les musulmans. Donc, tu n'as pas le droit d'aider le groupe X contre le groupe Y, parce que le groupe Y, il a une entente de paix avec les musulmans. Si tu aides Y, si tu aides, pardon, X contre Y, ça veut dire qu'en réalité, tu as brisé le pacte des musulmans. Ok? Et ça, c'est une forme de trahison. Donc, le chef, il dit que ça, c'est haram. Parce que les koufars qui ont une entente de paix avec les musulmans, il est interdit pour tous les musulmans de les combattre. Hein, et ils doivent respecter leur entente qu'ils ont entre eux et les musulmans. Et donc, celui qui aide ces groupes-là, ou ces koufars contre les autres koufars qui ont une entente avec les musulmans, il a brisé l'entente des musulmans. Et il a donc trahi la protection des musulmans et la parole des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque tue un kafir qui a une entente de paix avec les musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc le cheikh il dit que si c'est le cas que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, ou interdit aux musulmans d'aider des musulmans contre des koufars, si les koufars ont une entente de paix avec les musulmans, alors, qu'est-ce qu'on doit dire dans ce cas-là pour celui qui aide les koufars qui aide les koufars à briser l'entente des musulmans. Je répète encore une fois. Si Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit aux musulmans de venir en aide à des musulmans contre des koufars, si ces koufars-là ont une entente avec les musulmans. Ok? Donc, si on dit ça au sujet des musulmans contre des koufars, d'aider des musulmans contre des koufars qui ont une entente contre les musulmans, alors que dire de celui qui nous demande d'aider les koufars à détruire ou à briser le pacte des musulmans? Il mentionne le verset 72 dans Sourate Al-Anfal. Et le verset 72 dans Sourate Al-Anfal, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, et que si un groupe de musulmans vous appelle à l'aide contre des koufars, alors venez leur en aide, excepté s'ils vous demandent de leur venir en aide contre des koufars qui ont une entente de paix avec vous, ou qui ont un pacte avec vous. Donc si les koufars ont un pacte avec vous, et des musulmans vous disent venez nous aider à les attaquer, vous n'avez pas le droit de les aider à attaquer ces koufars-là parce qu'ils ont une entente de paix avec les musulmans. D'accord ? Et le chef il dit donc que nous devons venir en aide aux musulmans contre les koufars, et ça c'est obligatoire d'aider les musulmans contre les koufars, excepté dans un cas, c'est le cas qu'on a mentionné. Le cas d'exception, c'est le cas où ces koufars-là ont une entente avec les musulmans, donc c'est pas permis pour nous de leur venir en aide contre eux. Alors qu'est-ce qu'on dirait dans ce cas-là? فكيف نناصر الكفار على حلفاء المسلمين؟ Donc comment venir en aide à des koufars contre des gens qui ont une entente avec les musulmans parmi les koufars. Donc ça c'est une chose qui n'est pas permise, et tout ça c'est dans le but de garder notre parole et notre entente. Et ça nous montre à quel point l'islam met de l'importance au sujet de garder notre parole et garder notre entente. Aujourd'hui, c'est rendu que plus personne ne respecte sa parole. Et c'est comme si on dirait que pour certains musulmans, le fait d'avoir une parole, c'est quelque chose qui n'est pas important dans l'islam. C'est comme si on dirait que notre parole n'a plus aucune importance, plus aucune valeur. Pour certains musulmans, c'est devenu comme ça. Et maintenant c'est quelque chose qui est devenu, disons, accepté maintenant chez certains kuffars même, ou même chez les musulmans entre eux, que la parole du musulman n'a pas de valeur. Quand un musulman donne sa parole, il y en a souvent, ah, c'est des menteurs. Il y en a qui vont même penser que certains musulmans, c'est des menteurs. Là, ceux-là, ils mentent tout le temps, des trucs comme ça. Donc ça, c'est parce qu'on a perdu, disons, le sens de l'importance de l'entente et de notre parole et de notre entente et de notre parole. La parole, même chez les Arabes avant l'islam, dans la Jahiliya, c'était quelque chose de sacré, la parole. Si un Arabe disait à quelqu'un « je veux faire ça », il doit le faire. Et pour eux, c'était la honte s'il ne respecte pas sa parole. C'était considéré comme il perd toute sa valeur, tout son honneur s'il ne respecte pas sa parole. Donc l'islam, il est venu, puis il a renforcé cette valeur-là, cette idée-là, de l'importance de respecter sa parole. Maintenant, c'est rendu comme si le contraire, que les musulmans trichent, il y a des musulmans qui trichent, il y a des musulmans qui volent, il y a des musulmans qui mentent tout le temps, il y a des musulmans qui font des fausses déclarations, plein de trucs de ce genre. Et c'est rendu que les gens prennent ça à la légère. Et ils s'imaginent que, parce que c'est vis-à-vis des non-musulmans, vis-à-vis des koufars, que ça c'est correct. Parce que c'est des koufars, on a le droit de leur mentir, on a le droit de les trahir. Et ça c'est tout à fait faux. L'islam nous a enseigné de respecter notre parole, même contre des koufars. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était connu comme étant quelqu'un qui respecte sa parole. Et même les koufars avaient du respect pour les musulmans à cause de ça. Les koufars avaient du respect pour les musulmans à cause de ça. Quand le musulman il disait, ça y est, vous avez notre parole, pour eux c'était comme, ah, c'est notre ennemi, mais c'est un ennemi qui, les koufars ils disaient, les musulmans sont nos ennemis, c'est un ennemi à qui on peut faire confiance. Parce que c'est un ennemi qui respecte sa parole. Tandis qu'aujourd'hui, on a perdu cette valeur-là malheureusement, ou pas tous, mais beaucoup de musulmans ont perdu cette caractéristique-là. Donc c'est quelque chose qu'on doit travailler pour faire redonner à ce principe-là de l'islam toute sa valeur, inshallah, en travaillant sur nous-mêmes, puis en essayant de faire comprendre aux musulmans l'importance d'être véridique et d'être sincère et de respecter sa parole. القسم الخامس la cinquième catégorie هو مودة الكفار ومحبتهم من غير إعانة لهم على المسلمين هذا نهى الله عنه ونفى عن صاحبه الإيمان قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وكان juste avant d'expliquer ça, le point qu'on a mentionné, le point numéro 3, ou l'exemple, la catégorie numéro 3, les gens qui aident les koufars contre les musulmans contre les koufars, qui aident les koufars contre les musulmans de leur propre gré, alors qu'ils détestent les koufars, les mouchriquins, et qu'ils n'est pas satisfait de leur religion, et qu'ils n'est pas kafir, la preuve de ça, c'est l'exemple de Hatib, j'ai oublié son nom. En tout cas, Hatib, il a envoyé une lettre aux mouchriquins de Mecca pour leur dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait les attaquer, il allait venir prendre la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait venir Hatib et lui a dit, oh Hatib, pourquoi t'as fait ça? Et Hatib a dit, oh messager d'Allah, j'ai pas fait ça parce que j'aime les mouchriquins et que je voulais quitter l'islam. Mais je sais que les sahaba, ils ont des gens à Mecca qui protègent leurs biens et leurs demeures, et moi j'ai personne à Mecca pour protéger mes biens et ma famille, donc j'aurais voulu je cherchais en faisant ça à avoir quelqu'un qui va protéger mes intérêts à Mecca. Donc il a fait ça uniquement pour la dunya, pas parce qu'il aime le kouf ou le shirk et les mouchriquins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit vrai. Et à cause de ça, il a accepté son excuse. Parce que ce qu'il a fait, il y avait deux possibilités. soit qu'il fait ça parce qu'il déteste l'islam et parce qu'il aime les mouchriquins et qu'il veut aider les mouchriquins contre l'islam, ou soit qu'il fait ça pour quelque chose de la dunya, hein, et non pas parce qu'il aime les koufars, les mouchriquins et la religion. Et il a expliqué sa raison, il a donné une explication, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que ça faisait du sens et que c'était acceptable comme excuse, et donc il a accepté cette excuse-là de sa part. De plus, Hafid, il n'a pas essayé de se faufiler, ou de nier, ou d'essayer de trouver des fausses excuses qui sont fausses, ou de donner des fausses explications, non. Il a dit la réalité, la vérité. Hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que c'était une explication qui était valable, et qui était acceptable. Et donc il lui a dit, d'accord, tu as dit vrai, et il l'a laissé en liberté. Et donc ça c'est la preuve que les koufars contre les musulmans, sans que ce soit pour leur religion, ou par amour pour leur shirk ou leur égarement, ça ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam. Ça c'est important bien de comprendre ça. Il fallait que je mentionne ça parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils font le takfir sans même avoir compris les détails et les nuances qui existent dans les différentes questions, et puis ils se précipitent à dire « Ah, tel pays, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, donc c'est des koufars. » Ils font 1 plus 1 égale 2, puis ils ne savent pas que ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup de détails à prendre en considération avant de juger de cette façon aussi simpliste. Donc le cheikh il dit « Al-qism al-khamis wa huwa mawaddat al-kuffar wa mahabbatuhum min ghayr i'anat lahum ala al-muslimina » وهذا نهى الله عنه ونفى عن صاحبه الإيمان قال جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فسورة الممتحنة كلها في تحريم مودة الكفار ولو كانوا من أقرب الناس إلى المسلم وختمها بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور فكل سورة الممتحنة فهو موضوع معاداة الكفار وعدم محبتهم من أولها إلى آخرها. أوكي. Donc la cinquième catégorie c'est le fait d'aimer les koufars et les mouchriquins sans les aider. D'aider les koufars et les mouchriquins pour leur mécréance et pour leur shirk. À cause de leur mécréance et à cause de leur shirk. Tu les aimes parce qu'ils sont koufars et tu aimes leur kufr. Là tu sors de l'islam. Allah il a nié au sujet de ces gens-là la mécréance. Toutefois, si tu les aimes pour quelque chose de la dunya ou des trucs comme ça, ou des trucs de ce genre, donc ça c'est pas kufr. Comme par exemple un homme musulman qui épouse une femme chrétienne. S'il aime la femme chrétienne parce que yani, c'est sa femme, puis il la trouve belle et puis il la trouve gentille et yani, elle fait bien à manger, des trucs comme ça, ça ne faut pas sortir de l'islam, hein, ça c'est permis, hein, c'est un amour naturel entre un homme et sa femme. Toutefois, s'il aime cette femme chrétienne à cause de sa foi en Jésus, du fait qu'elle croit que c'est le Fils de Dieu, ou qu'elle croit parce qu'elle croit en la Trinité, puis il aime ça, et bien là c'est sûr que c'est un amour qui est kufr, et il a pris pour allié dans sa mécréance, et donc il sort de l'islam à cause de ça. Donc il faut faire la distinction entre ça et ça, il n'y a pas, c'est pas du tout la même forme d'amour et la même forme de choses. Donc il y en a un qui fait sortir de l'islam, puis l'autre qui ne fait pas du tout sortir de l'islam et qui est naturel. Ou bien quelqu'un qui aime son père, qui est mécréant, parce que c'est son père, parce qu'il s'est bien occupé de lui quand il était petit, puis il lui a donné tout ce qu'il a besoin, donc il a cet amour, cette affection-là pour son père qui est naturel. Et l'autre qui aime son père parce que c'est un kafir mushrik et il aime sa mécréance, par exemple, il croit en, je sais pas moi, l'hindouisme ou le judaïsme et il est d'accord avec sa religion, hein. Et ben là, c'est parce qu'il aime le kufr. Et donc, dans ce cas-là, il a pris son père pour allier dans la mécréance, donc il sort de l'islam à cause de ça. Et le cheikh, il mentionne les versets qui ont rapport avec ce sujet-là dans le Coran, qui sont les versets de Al-Wala Al-Bara. On les a mentionnés au chapitre, dans le point numéro 3. Donc, on va pas les retraduire encore une fois. C'est juste pour savoir, pour vous faire savoir, en fait. Je vais juste mentionner les numéros des versets. C'est le verset 22 dans Al-Mujadala. Le verset 13 dans Surat al-Tawbah, toute la Surah al-Mumtahana, en fait, il mentionne de 1 à 4, puis le cheikh il dit que la Surah al-Mumtahana au complet, du début jusqu'à la fin, elle traite du sujet du fait d'aimer et de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala et de al-wala wal-bara en général. Donc, vous pouvez y retourner si vous voulez les détails à ce sujet-là. Puis, on va s'arrêter ici, hein, pour maintenant. Puis, Inch'Allah, on continuera, si vous voulez, on continue après le Maghreb, ou bien demain après le Maghreb. Qu'est-ce que vous préférez? Laisser aujourd'hui, continuer demain après le Maghreb, faire après l'Asr et après le Maghreb, ou bien maintenant, puis demain, on finit juste entre Asr et Maghreb. C'est-à-dire, soit qu'on fait la prolongation aujourd'hui entre Maghreb et Isha, aujourd'hui, ou bien on le laisse pour demain. Demain? Faire Inch'Allah. Donc, on va le laisser pour demain. Puis, donc, on continuera demain à partir du point où on est rendu maintenant. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayhi.